jour-là. Comme les jours de Pentecôte, onction descend sur moi. Comme ce jour-là. Comme les jours de Pentecôte, onction descend sur moi. Oh, nous voulons ta puissance, Yahweh. Nous voulons ta puissance. Ce soir, nous voulons ta puissance. Yahweh, nous voulons ta puissance. Comme ce jour-là, comme les jours de Pentecôte, nous voulons ta puissance. Comme ce jour-là, comme les jours de Pentecôte, nous voulons ta puissance. Alors chacun va se retourner regarder autour de lui. Kila mtu atazunguka na anaangalia karibu na yeye. Vous avez vu ceux qui sont restés assis? Umeona wale ambao wanabaki wanaikaa? Alléluia. On acclame le Seigneur. Tunamshangilia Bwana. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous voyez? Onction descend sur nous, les uns sont debout. Wamoja wanasimama, wengine wanapachika mikono. Qu'est-ce qui nous arrive? Nini ambayo inatufikia? Peut-être tu es en train de prier ou parler comme Eden a dit que mais Mungu usha kwa mchoyo kumbe kwa. Peut-être tu es en train de prier, tu es en train de dire que Dieu est devenu égoïste. Alors tu restes assis. Comme maman Eden est en train de parler. Ça fait deux semaines ouais. Tu es égoïste, mais fanya wiki mbili kwa bure. Eh, c'est ça? Ndio hivyo. C'est ça ta situation? Hiyo ndio hali yako. Mais elle vient de dire que enfin finalement Dieu l'a surpris. Na yeye amesema kwamba Mungu amemshangaza. Et Dieu va surprendre quelqu'un aussi. Na Mungu atashangaza mtu pia. Dieu, il est le Dieu des surprises. Mungu ni Mungu wa kushangaza. Je vous assure. Na uhakikishia. Il est le Dieu des surprises. Ni Mungu wa kushangaza. Quel est vraiment ton fardeau? Ni nini mzigo wako? Mais si tu as un fardeau, kama una mzigo, mais qui es-tu? Wewe ni nani? Quelle est ta qualité? Hali yako ni gani? Souvent nous mettons toutes les fautes à Dieu. Mara tunamtupia Mungu makosa yote. Oh Mungu, basi unge suko Mungu basi. Oh Dieu. Tu devrais, Seigneur, tu devrais, Seigneur, tu devrais, Seigneur. Normalement, Seigneur. Tu aurais dû, Seigneur. Vous voyez ce genre d'introduction, tu aurais dû. Tu devrais, normalement. Mais souvent, nous ne nous posons pas la question, j'aurais dû, je devrais. Je devrais. J'aurais dû. Chante Sanzola. Sanzola. Sanzola. Sanzola. Sanzola. Sanzola. Sanzola. Sanzola. Sanzola, yolele. Sanzola, yolele. Sanzola, sanzo. Sanzola, sanzole. Sanzola, sanzola, libela ye. Sanzola, libela kombona Yesu. Sanzola, yomo tomo na loboko na nzambe. Sanzola, mosala tope na ekolo. Sanzola, ekola ko sanzola nzambe. Sanzola, yolele. Sanzola, outi na maladi. Atayo moto boko no le izoto. Sanzola, yekola ko sanzola nzambe. Sanzola, libela kombona Yesu. Outi na maladi. Sanzola, atayo moto boko no le izoto. Sanzola, yekola ko sanzola nzambe. Sanzola, yalele. Ola lo la muki na nzoto makasi. Na baksidon Yesu asunga yo. Sanzola, yekola ko sanzola nzambe. Sanzola, libela kombona Yesu. Outina chômage, Sanzola, yo moto mozala, arrête-moi. Sanzola, Nicola Cosanzola, Sambe, Sanzola, Sanzola, Beta Maboko, attends un peu, Subiri Kidogo, attends un peu, attends. Sanzola signifie quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont nés à Goma et ils sont bien. Sanzola ya mani Sanzola. Johnny Sanzola. Sanzola c'est quoi? Sanzola na mani shani. Célébrer. Alléluia. Amen. Sanzola signifie. Sanzola ya mani. Célébrer, célébrer. Shangilia ama kusifu. Célébrer à jamais, célébrer. Donc Sanzola ce n'est pas juste Sanzola. Aiko tu Sanzola. Vous savez quand on chante ce qu'on comprend. Unajua unapoimba unaelewa. Dans la louange. Ndani ya sifa. Écoutez-moi d'abord. Nisikilize kwanza. Quand nous louons Dieu. Wakati tunamusifu Mungu. Nous devons nous exercer. Tunapaswa kujizoeza. À louer avec notre cœur. Tu sifu Mungu na moyo wetu. Ça dit que la louange souvent commence avec la tête. Ni kusema ya kwamba sifa inaanza na kichwa. C'est l'intelligence, c'est etc. Mais il faut que le cœur vienne retrouver la tête. Lakini inaomba moyo ikuje ipatane na kichwa. Que le cœur vienne atteigne la tête. Moyo mfikie kichwa. Parce que la louange que Dieu attend, c'est la louange du cœur. Maana sifa Mungu anazozisubiri. Les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Waabudu halisi watamwabudu Bwana kwa roho na kwa kweli. Lorsque nous louons avec des vocabulaires que nous ne savons pas. Ni kusema tunapoabudu pamoja na masemi ya baadhi. Louange reste dans la tête. Mara sifa zetu zinabaki tu ndani ya kichwa. Ou alors dans les sentiments. Ama tu ndani ya hisia. Ou au sang. Unasikia tu. Mais le cœur n'y est pas. Lakini moyo haiko. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Unamtu anaweza kushangilia Bwana. Yonzambe. Yonzambe na kuya. Togumba meliyo. Na lola banje bako yemba. Kemwazo. Komo ya basantu. Komo yi. Komo ya basantu. Esi mbami na yo. Yahweh. Yoza, Yozambe, Yozambe, Yozambe, Tokumba Medio, la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu, rappelez-vous. Je loue les dieux que je connais. Yoza, Yozambe, Yoza, Yozambe, Tokumba Medio, Como ya vas a tu, como ya vas a tu, Yahweh, ah, Sanzo, Sanzola, Sanzole, Sanzola, Sanzola, Yolele, Sanzola, Sanzole, Sanzola, Libera, yes, Sanzola, Libera, Congo, na yes. O cosa pensi io lo bico io frele o tu ti li amo a te lo me a te o e con la cosa insolanza me o la lola mugi na zote o makasi na bati don yesu wa sunga yo e con la cosa insolanza me Sanzola o uti na malati ata yo mote boko no le izoto e con la cosa insolanza me Sanzola Beta maboko, Sanzola, beta milolo, Sanzola, abogina pembo. Sanzola, beta maboko, Sanzola, beta milolo, abogina pembo. Sanzola, Sanzola Yesu, Sanzola masie, Sanzola libela Yesu. Sanzola ye abonginango Sanzola ye yesuwe sans solaye abongi nango sans solaye yesu sans solaye abongi nango kamata probleme na yo ti afeme sans solaye abongi nango sans solaye yesu sans solaye abongi nango ko sans sola bato ya mokilite lobi bakoki kodo toa sans solaye yesu sans solaye abongi nango sans solaye yesu sans solaye abongi nango sans solaye yesu sans solaye na maboko sans solaye abongi nango sans solaye sans solaye abongi nango sans solaye yesu sans solaye abongi nango sans solaye mokonzi toso sans solaye mokonzi Toso sans sola mokosi, toso sans sola, sans sola, toso sans sola, na loye mboe, na malolwe, na loye mboe, na kenelo, sans sola, sans sola, sans sola, abongi, na loye mboe, abongi, na lokumbwe, abongi. On acclame le Seigneur. Tu ne sais rien, Bwana. Alléluia. Alléluia. Asseyons-nous devant le Seigneur. Tu es tiré les abois. Nous sommes devant ta parole, Seigneur. Tu combien les années nous l'accompagnent dans nos cœurs. Zungumzi amiozeto. Nous voulons te connaître. Tu n'aitaji tu kujue. Nous voulons te ressembler. Tu n'aitaji tu kufanani. Tu as dit je serai votre père. Mais c'est mani takuwa baba yenu. Vous serez mes fils. Nani mutakuwa wanawangu. Fais de nous tes fils. Utufanye sisi kuwa wanawako. Atteins les problèmes de tes fils. Fikia shida za wana wako et de tes filles na binti zako ce soir jioni ya leo au nom de Jésus kwa jina la Yesu amen amen amen amen. Nous sommes en train de parler toko tunazungumzia des piliers de l'établissement juu ya nguzo za kushimikwa. Nous avons abordé le premier pilier. Tumezungumzia nguzo ya kwanza. C'était quoi? Ilikuwa nini? La connaissance de Dieu. Kumjua Mungu. Et le deuxième pilier? Na nguzo ya pili. La qualité de l'homme, la femme établi. Hali ya mtu mume ama mke ambaye ameshimikwa. La qualité de l'homme établi. Hali ya mtu ambaye ameshimikwa. Ce soir, je voudrais aborder quelques points. Jioni leo ningependa nizungumzie nukta fulani fulani. À ce sujet. Kufuatana na mada hii. De la qualité de l'homme établi. Juu ya hali ya mtu ambaye ameshimikwa. En effet, kwa kweli. Lorsque Dieu t'établit, wakati Mungu anakushimika, il a déjà fait beaucoup de choses. Ameshafanya mambo mengi. Pour que tu sois établi. Ili uweze kushimikwa. Et nous avons vu déjà plusieurs choses. Na tumeshaona mambo mengi. Maintenant, sasa, pour que ton ili établissement produise des fruits. Ili produise c'est pourquoi Dieu t'établit. Ili ambao umeacha Mungu amekushimika. Pour que le fait de t'établir ili ile jambo la kukushimika soit rentable. Iwe na faida. Ou arrive à son effectivité. Ama ifikie kwa ukamilifu wake. Tu as besoin de connaître celui qui t'a établi. Unahitaji umjue yule ambaye amekushimika. Et tu as besoin d'être une personne de bonne qualité. Na unahitaji uwe mtu wa hali nzuri. Et hier nous avons parlé de quelques exemples. Na jana tuliweza kuzungumzia mifano fulani fulani. Nous avons parlé de Roboam. Tumezungumzia Roboam. Nous avons parlé de Samson. Na tukazungumzia Samsoni. Des personnes que vraiment Dieu a choisi, les a établis dans la royauté. Aliwachagua na kawashimika ndani ya ufalme. Roboam dans la royauté. Alimshimika Roboam ndani ya ufalme. C'est-à-dire dans le leadership séculier. Ni kusema ndani ya uongozi wa wakati wa sasa. Et Samson dans le leadership spirituel. Na Samsoni ndani ya uongozi wa kiroho. C'est à faire ces deux domaines ni, dans la vie. Ni viwanja, ni wanja mbili ndani ya maisha. Les uns sont dans le séculier. Wamoja wanatumika ndani ya maisha les autres sont dans le spirituel. Na wengine wako ndani ya maisha kiroho. L'un et l'autre moja na mwingine nécessitent que l'on soit établi. Wote wanahitaji washimikwe. Ne dites pas ou ne pense pas que ce thème concerne les choses de l'Église. Ce thème concerne toute la vie. Parce que dans tous les aspects de notre vie, nous devons obtenir que Dieu nous établit. Je vous ai même dit au premier jour, je crois, que certaines personnes même ont besoin que Dieu les établisse dans leur propre maison. Vous vous rappelez? Parce que quand tu as achevé ta maison et que Dieu ne t'établit pas dans ta maison, tu vas vivre dedans sans jouir de ça. Tu seras malheureux dans le lait. Donc, il faut que Dieu nous établisse dans divers domaines. Vous avez vu ces personnes qui se sont mariées. Dieu les a établis dans le foyer. Mais comme ils n'étaient pas des personnes de bonne qualité, le foyer a volé aux éclats. Ça a disparu. Alléluia. Amen. Je vais aborder ce point. Qu'est-ce qui révèle la mauvaise qualité de la personne ou du candidat à l'établissement? Qu'est-ce qui révèle la mauvaise qualité? Et en écoutant ces quelques points, je voudrais t'exhorter à cette attitude. Suivez-moi en essayant d'observer toi-même, d'analyser ton cœur. Pour que à la fin de cette réunion, tu ne sois plus de ceux qui sont de mauvaise qualité. Usikuwe tena miongoni wa watu ambao wako na hali mbaya. Les gens de mauvaise qualité, watu wa hali mbaya, finissent toujours par être rejetés. Mara wanaishia tu kutupiliwa. Un mari de mauvaise qualité mume wa hali mbaya finit toujours par être rejeté par le cœur de sa femme. Anaishia kwa kutupiliwa na moyo wa mume wa mke wake. Une femme de mauvaise qualité mke wa hali mbaya finit par être rejetée anaishia kwa kutupiliwa par le cœur de son mari na moyo wa mume wake. Un choriste de mauvaise qualité mwimbaji wa hali mbaya finira par être rejeté par le président. Ataishia kwa kutupiliwa pamoja na msimamizi wake. Un choriste de bonne qualité, lakini mwimbaji wa hali nzuri, va venir et il va avoir une grande un grand espace dans le cœur du président. Atakuja na tapata nafasi kubwa ndani ya moyo wa msimamizi wake. Elle est de bonne qualité. Iko wa hali nzuri. Un enfant de Dieu de bonne qualité mtoto wa Mungu hali nzuri va se tailler un grand espace dans le cœur de Dieu. Atajitengenezea nafasi kubwa ndani ya moyo wa Mungu. Un enfant de Dieu de mauvaise qualité mtoto wa Mungu hali mbaya va s'étonner que Dieu est en train de le repousser. Atakuwa kishangaa kwamba Mungu iko na msukuma, unakuja kwa Mungu anakutupilia. Tu es de mauvaise qualité. Uko hali mbaya. Même dans nos familles, hata ndani ya jamaa zetu, parmi tes enfants, miongoni mwa watoto wako, il y a des enfants de bonne qualité. Kuna watoto wa hali nzuri. Ils ont accès auprès du père. Wanakuwa na kibali karibu na baba. Quand papa vient, wakati baba anakuja, les enfants de bonne qualité, watoto wa hali nzuri, il les accueille si facilement. Anawapokea kwa urahisi. Et l'enfant de bonne qualité, na mtoto wa hali nzuri, viendra facilement s'appuyer sur la poitrine de son père. Atakuja comme Jean. Nasegemea kwenye kifua cha baba yake. Il est écrit, imeandikwa, que Jean, ya kwamba Yohana, c'est cet apôtre ni ule mtume qui s'appuyait sur la poitrine de Jésus. Ambaye alikuwa anasegemea même dans l'équipe de Jésus, hata ndani ya kundi. Il avait besoin de personnes de bonne qualité. Il pouvait sortir dans certaines courses. Et ne pas aller avec tout le monde. Il allait avec Pierre, Jean et Jacques. Les autres qu'à la montagne de transfiguration. Il n'a pas dit aux autres il allait où. Mais il a dit Jean-Pierre venez. On va quelque part ici. Na tunaenda fasi fulani. Et puis ils sont allés à la montagne. Na kisa wakaenda mlimani. Ils savaient pas ils allaient où. Na hawakujua wanaenda wapi. Mais ils sont surpris. Lakini wanashangaa. Ils ont fait l'expérience. Waliishi mambo. Du ciel ouvert. Ambao wanaona mbingu ikifunguliwa. Ils ont participé à ça. Na walihudhuria kwa hii jambo. Pierre dit oh maître. Hata Petro anasema restons ici, construisons ici. Il avait raison. Frère, si tu construis là où le ciel est ouvert. Mpendo ukijenga mahali ambapo mbingu imefunguliwa. Même si c'est toi. Hata kama ingekuwa wewe. N'est-ce pas que nous disons tout le temps Seigneur ouvre ton ciel ici. Si kila mara tunasema Mungu fungua mbingu yako hapa. Chez toi à la maison. Nyumbani kwako. Si Dieu peut ouvrir son ciel sur ta maison. Kama Mungu anaweza kufungua mbingu juu ya nyumba. Tu vas pas rester longtemps au boulot. Hautabaki. Tu vas vite rentrer à la maison chaque jour. Kazini na utarudi. Parce que tu arrives à la maison. Le ciel ouvert. Sababu unapofika nyumbani mbingu imefunguliwa tayari. Pierre avait raison. Petro alikuwa na sababu ya kusema. Il dit construisons ici. Anasema tujenge hapa. Là où le ciel est ouvert. Mahali ambapo mbingu zimefunguliwa. Il dit construisons combien de maisons. Na anasema tujenge hema ngapi? Une pour toi. Tukujengee wewe moja. Une pour moja Eli. Kwa Elia. Et une pour na moja ya Musa. Et pour toi? Na wewe sasa? Moi je vais être gardien. Mimi nitakuwa tu mlinzi. L'essentiel. Ya mana. Que je sois en train de voir le ciel ouvert. Nikuwa tu nikiona mbingu zimefunguliwa. Quelqu'un a besoin que son église devienne un ciel ouvert. Kuna mtu ambaye anahitaji kanisa lake liwe mbingu ya kufunguliwa. Frère sœur. Ndugu dada. Si cette église devient un ciel ouvert. Kama kanisa hili linageuka mbingu ambapo mbingu. Si Dieu nous accorde la grâce. Kama Mungu anatupatia. Ouvrir son ciel ici. Atie mbingu yake hapa ifungulie hapa. Certains vont passer sur la rue. Kuna watu watakaopita barabarani. Et quand ils vont arriver là. Na watakapofika hapo karibu. Ils vont sentir qu'il faut ralentir. Watasikia kwamba sheti wapunguze mwendo. Beaucoup vont ralentir ici. Wengi watapunguza mwendo hapo. J'ai souvent vu les gens là debout. Mara nikiona watu wakisimama hapa. Ils passaient. Walikuwa wakipita. Et quand il arrive là. Na anapofika hapo. Il s'arrête. Anasimama. Pendant 10 minutes. Dakika 10. Unakufa nini? Siende kwenye uko naenda. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux aller là où tu vas. Anabakia. Et il reste là. Peut-être que le ciel est déjà ouvert ici sans que nous le sachions. Inawezekana mbingu imefunguliwa hapa bila sisi kujua. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit lorsqu'on accueille Dieu bien. Niliwaambia wakati tunampokea Mungu vizuri. Il est possible que Dieu dise aux gens à Minova. Inawezekana Mungu awaambie watu Minova. Qui lui appelle, qui l'appelle à Minova. Minova. Ils leur disent. Attendez, je viendrai après. Mungoje, nitakuja baadaye. Je suis d'abord ici. Niko kwanza hapa. On me fait du bien ici. Hapa wananifanyia mema. Ou alors. Ama. Si vous voulez me voir. Kama mnahitaji munione. Venez me trouver ici. Mkuje na mtanikuta hapa. Pourquoi? Le ciel est ouvert ici. Je me sens bien ici. Je vais déverser mes grâces ici. Tu as besoin de grâce. Voyage. Viens ici. Les gens vont venir du monde ici, je vous préviens. Est-ce que je vous préviens? Les gens viendront du monde et ils viendront ici. Mais il faut que nous soyons des enfants de Dieu de bonne qualité. Parce que notre bonne qualité va crier très haut jusque dans le monde entier. Un jour, un frère passait. Puis il est venu me dire, pasteur, hey, j'ai vu des choses. Quand ça va arriver, pasteur, il ne faut pas m'oublier. Wakati tafika, mchungaji, usinisahau. J'ai vu, les gens étaient ici. Ils ne sortaient plus. En fait, les gens venaient, les autres partaient. Les autres... Il y avait une grande télévision internationale. Il y avait les gens, ils allaient prendre dans les restaurants et ils rentrent prier. J'ai dit, frère, tu as vu ce qui existe déjà. Devant le trône de Dieu, ça existe. C'est prévu. Si tu ne le savais pas, je te l'annonce. C'est prévu. Dieu a déjà prévu ça. Mais il attend une chose, mon frère. Des hommes, des femmes, des sœurs et des frères de bonne qualité. De bonne qualité. Seigneur, aide-moi à être un pasteur de bonne qualité. Aide-moi moi-même, Seigneur. Il est écrit, ni tampiga mouchungaji wa kondo. Il est écrit que je frapperai les bergers. Kondo wa kundila ke watata wanyika. Et tous les brebis vont se disperser. C'est un verset biblique. Hein. Même si on avait chanté ça de l'autre côté l'autre fois. Des hommes et des femmes de bonne qualité. Tu peux dire avec moi, Seigneur, aide-moi à être un homme, une femme. Aide-moi, Seigneur. Je veux être de bonne qualité. Et tu as dit ça? Tu as dit à Dieu? Quelqu'un devait crier, Dieu, aide-moi. Je veux être de bonne qualité, Seigneur. Nous avons trop trahi l'Éternel. Nous avons trop trahi le but de Dieu sur notre vie. On a trop trahi l'Église. Il y a des gens qui critiquent leur Église. Tu es un membre qui est comment là? Quand tu es ici, tu loues Sanjola. Sanjola. Quand tu arrives dehors, tu critiques les archois. Tu critiques les serviteurs. Tu es de quelle qualité? Amen. Regardons. Tout à l'heure. La première chose qui révèle jambo la kwanza linaloonyesha la mauvaise qualité des personnes candidates à l'établissement. Hali mbaya ya watu ambao ni wakandideti kwa kushimikwa. Les gens de mauvaise qualité se révèlent premièrement watu wa hali mbaya wanaonekana par une vie superficielle. Kupitia maisha ya juju. Une vie superficielle. Maisha ya juju. Que ce soit dans le domaine spirituel, iwe ndani ya uwanja wa kiroho, que dans le domaine de la vie, ama ndani ya uwanja wa maisha. C'est-à-dire, premièrement, imanisha ya kwanza, il ne prend pas les choses de sa vie au sérieux. Hachukue mambo yake kwa msimamo. Alléluia. Amen. Il ne prend pas les choses de sa vie au sérieux. Hachukue mambo ya maisha yake kwa ukamilifu. Il est marqué par les choses secondaires. Na anapendelea mambo ya juju. Quand il prépare un test, anapo tayarisha ujumbe, un test d'empoche, anapo tayarisha, mtihani wa kupata dans sa pensée, ce qu'il prépare, ndani ya wazo yake ile anayotayarisha, c'est comment il va prononcer le français pour répondre. Namna gani ataweza kusema vizuri kifaransa. Il ne prépare pas quel genre de matière on va me demander. Ce à quoi il pense, c'est comment je serai habillé. Comment je vais me tenir devant les jurys. Ok, tu vas bien te tenir devant les jurys. Mais tu vas répondre quoi aux jurys? Qu'est-ce qui est important? Tu devrais commencer par savoir je vais répondre quoi au jury. Ungepaswa kujua kwanza nitajibu nini kwa wale wanaoswali. Ili baadaye. Au plan secondaire, kwa ngambo sasa ya juju. Pensez sur ta présentation. Uanze kufikiri sasa namna gani utavaa. On te dit tu vas prêcher demain. Wanakuambia utahubiri kesho. Quand tu es superficiel, wakati wao unakamata mambo juju. Ce qui va attirer beaucoup plus ton attention. Ambayo itakuwa sana ndani ya akili yako. Sera oh, quelle veste je vais porter? Nitavaa suti gani? Quel pagne, quel soulier? Nitavaa kiatu gani? Nitavaa kikwembe gani? Iya hivi. Ni ile kiatu ya juju. Au. Et tu peux penser, passer tout autant. Même une heure. Dans une heure, tu aurais trouvé la prédication. Mais dans une heure, tu n'as pas encore commencé à chercher la prédication. Tu cherches les formes. Les femmes vérifient. Comme ça, ni fanya hivi. Ou alors. Anangalia ndani ya kio. On se vérifie. Unakuwa kijichungu. Et des heures passent. Na muda unapita. Ton système de fonctionnement. Namna yako ya kutumika. Est abîmé. Imeharibika. Ton système de fonctionnement est abîmé. Namna yako ya kutumika imeharibika. Il y a le virus de la superficialité. Kuna virusi vya kuona mambo juu juu. De sorte que l'ennemi, je vous ai parlé l'autre fois sur les attaques sournoises. Na hata du mara nyingine ni wazungumzia juu ya mashambulizi. C'est quand il va rester 15 minutes, 30 minutes. Ni wakati tabaki dakika 15. Tu as déjà préparé toute la forme. Umesha tayarisha mavazi yote. Tu te concentres rapidement. Na kisha sasa unaanza kuingia kinani ndani. Haraka haraka. Non, c'est pas ça. Sio hii unatafuta. OK. Kuna baki ya 5. Ni bambe tu hii. Muda inapita. Unaweza tu kuhubiri. Una bamba. Et puis tu prestes. Et nous t'as été. Mais quand tu viens là. Na unapokuja sasa. En fait, tu es correct dans les choses superficielles. Hakika wewe uko mzuri kabisa mambo ya juju. Mais tu n'es pas correct dans les choses principales. Lakini kwa mambo ya msingi hauko mzuri. Tu n'es pas correct dans les choses importantes. Hauko mzuri ndani ya mambo ya muhimu. Ça a tué beaucoup de sœurs cette affaire-là. Na hii jambo imeua wadada wengi. Elle se prépare pour le mariage au plan superficiel. Wanajiandaa kwa ndoa kwa ngambo ya juju tu. Massage. Wanaangalia njisi watanyorosha mwili. Kama hapa kuna vimba. Kama pansi. Kama matumbo inaanza kuwa. Wafe les abdominaux. OK. Et puis les frères, comme tu as fait les choses superficielles, les frères t'aperçoivent. Et il vient avec son coup de foudre ou bien sa direction, je ne sais pas de quelle origine. Et puis il va t'épouser. Tu arrives dans le foyer, tu es une femme de mauvaise qualité. Mauvaise qualité. Quand Dieu veut t'établir, wakati Mungu anahitaji kushimike, il a un objectif, on a vu les buts. Anakuwa na shabaha, tumeona lengo. Il faut que ce but s'accomplisse. Na inomba lengo lake litimilike. Mais pour que ce but s'accomplisse, lakini ili lengo lake litimilike, tu dois être sérieux. Unapasha kuwa mtu mkamilifu. Ton cœur, moyo wako, doit poursuivre et s'attacher sur les choses importantes. Unapasha kufuatilia mambo ya muhimu. Les choses principales du but. Dieu veut ce but-là. Le but veut répondre à des besoins. Dieu veut répondre à des besoins. Mais quand toi tu es dans les superficiels, base, c'est fini. Le but ne sera pas accompli. Les gens superficiels dans l'établissement cherchent essentiellement la jouissance. Ils vont chercher dans le but de Dieu les jouissances. Je vais être pasteur dans cette église. Si je suis pasteur, quand j'aurai 25 ans d'anniversaire du mariage, les chrétiens vont me donner un jeep. Alléluia. Je dois. Est-ce que ça fait partie des objectifs? Et imaginez que nous allons avoir 20 ans le 4 juillet. Si la motivation du pasteur Eston c'était d'avoir cette jeep, vous serez avec un pasteur qui vous escroque. Je vois pas tes jeep. Pour qu'il ait la jeep. Ça ne fait pas partie des objectifs. Dieu a dit, bâtis-moi un peuple. Point. Si un jour la Jeep arrive, gloire à Dieu. Si un jour la Jeep n'arrive pas, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si on est dans la Noah, qui change de voix, gloire à Dieu. L'essentiel, elle nous prend de là et nous fait arriver là. Et puis de là, et puis on visite une autre famille. Ça suffit. Ça suffit. Les jouissances dans l'objectif de Dieu sont des accompagnements. Ça ne fait pas partie du principal. Mais les gens superficiels vont préférer attirer toute leur attention sur les jouissances. L'ouvrier mérite son salaire. Focalise-toi sur l'objectif et Dieu va se débrouiller pour te donner ton salaire. Fais bien le but, accomplis bien le but. Donc, première manifestation des hommes et femmes de mauvaise qualité, je disais, c'est une vie superficielle qui se manifeste par le fait de ne pas prendre les choses de sa vie au sérieux. Il est écrit dans Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Ça, c'est très grave. Hein? Donc, si tu es superficiel, il est possible que tu es en train de vivre certaines malédictions de ces versets. Pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie? Ce n'est pas toujours parce que Dieu ne veut pas répondre. Il est aussi possible que tu es superficiel et que tu es en train de vivre ces versets. Jérémie 48, 10. Maudit. Mustari wa kumi. On peut le lire ensemble. Tunaweza kusoma pamoja. Allons-y. Tunaweza kusoma. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Alainiwa ule ambaye anaondoa upanga wake. Le carnage, c'est le but. Kuua watu ama Dieu prévoit le but. Et quand tu es dans les superficialités, au lieu que ton épée, c'est-à-dire ton cœur, tes capacités, tes talents, au lieu de les appliquer au but, au carnage, tu les éloignes et tu les appliques à des choses superficielles. Les gens superficiels se manifestent aussi par le fait de ne pas être, de mener une vie qui n'est pas attentive. le fait de ne pas être attentif. Ils vivent une vie qui n'est pas attentive. Ils ne sont pas attentifs. Alléluia. Amen. Ça veut dire autrement. Inamaanisha tena. Un homme de qualité mtu wa hali nzuri vit le contraire de la superficialité. Anaishi kinyume cha kukua juu juu. Il se focalise sur l'important, l'essentiel. Anafuatilia iliyo muhimu na ya maana. Et il mène une vie attentive. Na anaishi maisha ya uangalifu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième manifestation de la mauvaise qualité de l'homme à établir, c'est l'arrogance et l'orgueil. L'arrogance et l'orgueil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prendre l'exemple de Saül le roi. L'expérience de cet homme nous donne beaucoup de leçons. Quand vous lisez dans 1 Samuel chapitre 15, chapitre 13 d'abord, regardez avec moi 1 Samuel 13. Alléluia. Amen. 1 Samuel 13. Samuel wa kwanza 13. Saül venait d'être élu roi. Saul alitoka kuchaguliwa kama mfalme. Roi. Kuchaguliwa na kupakwa mafuta kama mfalme. Roi. Na kashimikwa kama mfalme. Et il a commencé à régner. Na kaanza kutawala. Quand vous regardez le chapitre 10, unapoangalia sura ya 10, mahali ambapo alipakaliwa, vous trouvez des merveilles qu'il a expérimenté. Unaona mambo mazuri ambayo yaliyaishi. Et puis ensuite, na kisha baadaye, cet homme umtu commence son règne. Ananza utawala wake. Il doit faire une guerre contre les Philistins au chapitre 13. Anapaswa kupiganisha wa Filistini kwa sura ya 13. Mais lorsqu'ils sont au front, lakini wakati wenye wako kwenye shamba la mapigano, le prophète Samuel traîne. Mu Nabi Samuel anakawia. Vous lirez tous les chapitres 16, vous allez voir. Unaweza soma, 13, vous allez unaweza voir. Soma sura yote ya 13 utaona. Le prophète Samuel traîne. Nabi Samuel anakawa. A venu faire le sacrifice. Ili akuja atoe zabihu. Saül qui est devenu roi. Na Saul ambaye amegeuka mfalme. Se donne l'audace. Anajituma. De faire le sacrifice. Afanye zabihu. Et quand il finit de faire les sacrifices, les concernés arrivent. Quand les concernés arrivent, Saül lui répond. Saul akamjibu. Je me suis dit. Nilisema. Verset 12. Shaili la 12. Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Wa Filistini wa tashuka kwangu Gilgal. Je n'ai pas imploré l'Éternel. Na sikumsi Bwana Mungu. C'est alors que je me suis fait violence. Ni hapo ndipo nilifanya yangu yote. Ah, wanadamu. Les hommes. On se fait violence pour pécher. Unafanya yako yote ili utende dhambi. Je me suis fait violence. Nikafanya yangu yote. Et j'ai offert l'holocauste. Na nikatoa sadaka ya kuteketeza. Saul, tu es devenu sacrificateur. Saulo, umegeuka kuhani. Samuel dit à Saul. Samuel akamwambia Saulo. Tu as agi en insensé. Umetenda kwa upumbavu. Tu n'as pas observé les commandements de l'Éternel ton Dieu. Haukuchunguza kanuni za Bwana Mungu. Ton Dieu t'avait donné. Ambao Bwana Mungu alikupatia. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Bwana Mungu angeimarisha milele utawala wako juu ya Israeli. La manifestation la mauvaise qualité du roi commence ici. Kuonekana kwa hali mbaya mfalme inaanzia hapa. Dieu aurait affermi ton règne. Mungu angepasha kuimarisha utawala wako. Déjà tu révèles que tu n'es pas de bonne qualité. Lakini unaanza kuonyesha ya kwamba hauko wa hali nzuri. Il y a trois rôles dans le pays. Le prophète, le roi et le sacrificateur. Toi, c'est moi qui t'ai oint. Je t'avais précisé que j'étais un roi. Je ne t'ai pas un sacrificateur. Mais qu'est-ce qui amène cet homme dans ce comportement? Écoutez-moi, mes frères, mes sœurs. Très souvent dans la vie, lorsque les gens prospèrent, s'il ne faut pas attention, il y a un sentiment qui monte dans leur cœur. De l'arrogance. De l'orgueil. Comme c'est moi qui suis ceci. Alors on monte. Cela va aussi avec les diplômes. Quand tu as juste graduat, tu es encore calme. Quand tu montes à licence, quand tu fais maîtrise, master, bah tu vas s'ogayer. Que les gens s'éloignent de toi. Mais quand tu fais PhD, PhD, c'est fini. Vous ne savez pas comment j'ai souffert pour être professeur. Faites attention. Lorsque tu montes en pouvoir, en grâce, en capacité, en position sociale, il y aura cette attaque sournoise qui va commencer à monter dans ton cœur, parfois sans le savoir, parfois le sachant. Quand tu deviens excellent en quelque chose, il y aura de l'arrogance qui va te solliciter. Ok, c'est moi roi ici en Israël. Comme Samuel traîne, dit Moulette, le sacrifice, mais il faut. Amenez ce sacrifice, je vais l'offrir. Ça ne se fait pas. Oh. Et il fait le sacrifice. Pourquoi tu le fais? Parce que le sacrificateur a traîné. J'ai raison, mais le sacrificateur a traîné. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Tu es entré sur le terrain d'autrui. Et Samuel lui dit, verset 14, et maintenant, ton règne ne durera point. Rejet. On vient de te découvrir. Tu es de mauvaise qualité. Ton règne ne va pas continuer. Mais tu es encore roi. Vous vous imaginez, tu es dans un poste et que Dieu vient te dire, comme tu te comportes comme ça, ton poste ne va plus durer. Si tu es de bonne qualité, comment tu fais? Tu t'amendes. Tu te corriges. Mais ça n'a pas été le cas pour mon frère ici. Quand vous avancez au chapitre 15, Saulo. Et en guerre contre les Amalécites. Dieu lui dit, tu vas livrer les Amalécites à l'interdit. C'est-à-dire tu extermines tout le monde et tu tues tout. Là encore, ça c'est l'instruction de Dieu. J'aimerais préciser cet élément. C'est-à-dire, l'arrogant et l'orgueil ne tiennent pas compte de celui qui l'a établi. Dieu n'a pas besoin de t'établir pour qu'ensuite tu ne tiennes pas compte de lui qui vient de t'établir. aje akushimike kisha baadaye usihesabu tu yake yeye ambaye amekushimika. Donc tu ne tiens pas compte de celui qui vient de t'établir. Hautegemee tena haumhangaiki. C'est ça que nous observons dans la mauvaise qualité de Saül. Na hii ndio tunayochunguza ndani ya hali mbaya. Alors Dieu lui dit, Mungu anamwambia, tu vas livrer à l'interdit. Utaenda kuangamiza. Les Amalécites. Wa Amaleki. Et quand il arrive là-bas, na anapofika huko, qu'est-ce qu'il fait? Anafanya nini? Ils tuent quelque chose et puis ils observent que ça c'est bon, ça, gardez. Ces bœufs-là, gardez ça. Le peuple l'emboîte aussi, il dit, oh, il y a, oh roi, il y a bien. Il dit, vous gardez, vous gardez. Et souvent, pour justifier nos forfaits, na mara, ili tuweze nous cherchons des raisons valables pour recouvrir nos bêtises. Tunatafuta sababu nzuri ili tuweze kufunika makosa yetu. Il termine la guerre, il revient à la maison. Anamaliza vita, anarudi nyumbani. Avec les brebis et les bœufs qu'ils ont pris akiwa na au lieu kondo, de les tuer. Akiwa na kondo, na ngomba ambazo walitoa pali et plus fort encore, na iliyo ya zaidi, roi Saül Mufalme Saulo épargne le roi anamweka mufalme des Amalécites. Wa Amaleki. Et il vient avec. Na anakuja pamoja naye. Quelle était l'instruction? Va livrer à l'interdit. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas livré à l'interdit. Mais j'ai pris quelques biens. Mais pour justifier mon forfait, lorsque Samuel lui pose la question, pourquoi tu as fait ça? Regardez la mauvaise qualité des hommes. Verset 20, Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag le roi. Et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple, vous voyez, depuis le jardin d'Éden, Adam dit, mais la femme que tu m'as donné le fruit. Saül dit aussi, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémices de ceux qui devraient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Est-ce que j'avais besoin d'offrande, monsieur Saül? Je t'ai dit d'amener des offrandes. Je t'ai dit va livre à l'interdit. Je t'ai établi et je t'ai donné des instructions claires. Tu vas livrer à l'interdit. Mais l'arrogance et le plaisir du pouvoir donne à Saül un sentiment de marge. Non, il se donne une marge de liberté, de désobéissance. Comme c'est moi le roi, j'ai quand même une marge de commettre quelques erreurs et ce n'est pas grave. N'est-ce pas ce que tu te fais souvent? Vu ta position. Vous avez entendu ce genre de phrase? En ma qualité de... En ma qualité de... Et en ta qualité de, tu fais quoi? Tu fais des choses contraires aux instructions de celui qui t'a établi. Les paniers des offrandes vont commencer à passer. Tu pries et tu mets ton offrande dedans. Unaomba na unaweka sadaka yako ndani. Ça n'a pas suffi. Haikutosha. Regardez ce que l'homme de Dieu dit à Saül. Mtazama ile ambayo mtu wa Mungu anamwambia. Samuel lui dit, Samuel anamwambia, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole éternelle, il te rejette aussi comme roi. Point. Sababu ume tupilia neno la Mungu nana kutupilia kama mfalme. Nukta. Regardez maintenant les comportements des gens de mauvaise qualité. Mwangalie sasa tabia za watu wa hali mbaya. Suivez-moi attentivement. Munifuate kwa umakini. Je peux vous voir? Naweza kuwaona? Vous êtes là? Muko hapo? Au fond là-bas, vous êtes là? Uko nyuma muko? OK, regardez dans votre Bible à cet endroit. Mtazame ndani ya Biblia yenu hapa. Je vais vous montrer quelque chose. Nitaonyesha kitu kimoja. Verset 23 et 24. Shaili la 23 na 24. Saül a commis ses forfaits. Saulo amefanya makosa. L'homme de Dieu vient de proclamer la sentence. Na mtu wa Mungu ameanza kuleta ameleta. Jusqu'à ce verset 23. Ameleta azabu hadi kwenye Isaya 23. Saul ne reconnaît pas qu'il a mal fait. Saulo hajatambua kwamba amefanya kosa. Jusqu'à ce qu'on lui donne la sentence de son forfait. Mpaka wakati watakapompatia azabu ya kosa. Regardez maintenant le verset 24, lisons cela ensemble. Tunaweza kusoma sasa Shaili 24. Verset 24. 1 2 3. 1 2 3. Alors. Sasa. C'est ça tous les problèmes. Na hii ndio shida yote. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché. Sasa Saul tout ce temps-là, mauvaise qualité de cœur, hali mbaya ya roho. Tout ce temps, hii wakati yote, tu n'as pas su que tu as péché. Hukutambua kwamba umetenda dhambi. Remonte, média. La phrase qui est juste au-dessus dit quoi? Il te rejette aussi comme roi. Anakutupilia pia wewe kama mfalme. La phrase suivante dit. Sasa Shaili la kufuata inasema hivi. Alors. Sasa. Est-ce vous avez ça dans votre Bible aussi? Mnakuwa na hiyo ndani ya Biblia yenu pia. Tu es puni. Umeasikiwa. Tu es rejeté. Umetupiliwa. Alors. Na sasa. Oh. Homme de Dieu, pardonne-moi. J'ai péché contre l'Éternel. Donc, jusque maintenant, je suis déjà là. Homme de Dieu, tu n'es toujours pas conscient. Tu es tellement superficiel, quoi. Ta vie est tellement à la légère. Jusqu'ici, tu ne te rends même pas compte. Beaucoup de gens ont confessé leur péché lorsqu'ils ont aperçu que la conséquence arrive à la porte. Tu as couché avec ta fiancée 5 fois. Tu n'es jamais demandé pardon. Lorsque la 7e fois la grossesse est là, tu cours chez le pasteur. Pasteur, vraiment, on est tombé. Quoi? Nini? Donc elle est grosse. Ni kusema iko na mimba. Quand mimba kakisha ingia. Lorsque la grossesse est déjà là dedans. Alors. Sasa. On va à l'Éternel. Naenda kwa Bwana. Et on dit, j'ai péché. Nimetenda dhambi. Superficiel. Unaangalia mambo. Quelle est la qualité de foyer que tu vas fonder avec ça? Ni hali gani ya jamaa ambao utaiunda pamoja na hii? Tu as toujours volé l'argent de votre travail. Et le jour où on met la main sur toi, alors, tu vas voir l'homme de Dieu. J'ai des combats au travail. Priez pour moi, Uniombe. Pauvre serviteur. Seigneur, défends ton fils. Baba, umutete, oh, mwana wako. Tufungue macho pia Mungu. Seigneur, ouvre nous les yeux. Pasteur, j'ai vraiment des combats. Je ne comprends pas ces chefs-là. Tu as toujours mis la main dans les sacs. Maintenant, le chef t'as trouvé en train de mettre la main dans les sacs. Alors tu prends conscience que j'ai des combats. Quel combat? Enfin, qui a des combats? C'est l'entreprise qui a des combats. Et celui qui fait des combats contre l'entreprise, c'est toi. Donc c'est toi qu'on doit combattre. Et si nous faisons la prière, Seigneur, défends celui qui est combattu. C'est toi qui vas recevoir les coups. On va te virer. J'ai des combats, pasteur. Vraiment, soutenez-moi dans la prière. On lui dit, Maintenant, ton règne va finir. Sasa ufalme wako taisha. Alors. Na sasa. Saul dit. Saul anasema. J'ai péché. Nimetenda zambi. J'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Nimefunja agizo la Bwana. Je n'ai pas obéi à tes paroles. Na sikutii kwa maneno yako. Je craignais le peuple à Libye. Nilikuwa nikiogopa watu. J'ai écouté la voix du peuple. Na nikasikia sauti ya watu. Mensonge. Est-ce que c'est le peuple qui a pris Agag pour l'amener? Je ni watu ambao walimchukua Agag ili wamlete. Tu as écouté le peuple? Ulisikiliza watu. Les personnes de mauvaise qualité, njo ivi. Watu hali mbaya c'est comme ça. Et quand vous avez 5 comme ça dans votre entreprise. Unakuona watu 5 kama hivi. Uko na ba aja 5 ba hivi. Tu as 5 aja comme ça. Entreprise haitaenda. L'entreprise ne va pas évoluer. Et si tu as 5 serviteurs de Dieu dans ton église? Na kama una watumishi 5 wa Mungu ndani ya kanisa lako. Qui sommes Naisha? Ha, l'église est finie. Qui Naisha? C'est fini. Il confesse quand la conséquence arrive. Wanakiri, tu aurais dû confesser au moment où tu as péché. Dieu allait te pardonner avec joie. Na Mungu angekusamehe na et tu t'aurais repenti et abandonné. Na tubu na unaacha. Mais quand tu confesses le jour de la sentence, lakini wakati unatubu zambi siku je ne suis pas sûr que Dieu te pardonne. Si wazie ya kwamba Mungu anaweza kusamehe. C'est comme ça que certaines personnes sont restées avec les malédictions. Na ndio maana watu wengi wamebaki na laana. Si c'était aujourd'hui, ingekuwa leo, Saül allait confesser chez un autre sacrificateur de notre pays. Saulu angeenda kutubu zambi zake kwa kwani mwingine wa nchi nyingine. Si ile ambayo mnafanya. Vous péchez, mnatenda zambi. Et vous allez vous repentir chez le pasteur d'une autre église. Mnaenda kutubu kwa mchungaji wa kanisa ingine. Pas chez vous. Hapana kwenu. Pour conserver votre forme. Ili mulinde. Votre position. Ile cheo chako, heshima yako. Je suis responsable des cellules. Tunaona mimi ni msimamizi wa shirika. J'ai quand même une forme ici dans cette église. Sinakuwa na cheo hapa ndani ya kanisa. Si je vais me confesser là, on saura que je ne suis pas sérieux. Nikienda kutubu zambi zangu watasema huyu mtu haiko sawa. Frère, ndugu, quand tu vas là-bas, wakati unaenda huko, je te promets, ninakuahidia, ce n'est pas sûr que Dieu t'a pardonné. Haina uhakika kwamba Mungu amekusamehe. Parce que dans ta confession, sababu ndani ya kutubu zako, il y a ce qu'on appelle en Swahili ukorofi. Ya de maguie. Ni confession ya ukorofi. Il y a la risque dedans. Alors vous voulez que Dieu vous pardonne? Na unahitaji sasa Mungu akusamehe. Avec une repentance de ukorofi? Avec pamoja na kutubu ya ukorofi. Allô? Allô. Tu es en train de t'évaluer? Uko unajichunguza? Tu es de bonne qualité? Uko hali nzuri? Ou tu es de mauvaise qualité? Ama uko hali mbaya? C'est Saül, il vient de faire cette confession-là. Tournez les pages au chapitre 22. Il est déjà rejeté par l'Éternel. Les choses ne marchent plus pour lui. Il a pourtant demandé pardon. Mais il n'est pas resté sincère même avec son pardon. Au chapitre 22, verset 6 et suivant. Sura 22, 6 hadi kuendelea. Saül, Saulo, apprend anaelewa que David, qui est déjà loin, ya kwamba Daudi amba amesha kupaka comme mafuta, roi à son remplacement, kama mfano amba atakaye mgomboa, David est parti consulter l'Éternel chez un prophète. Daudi amenda, il a, oui. Daudi amenda kumwona nabi. Pour avoir des orientations de Dieu dans les combats qu'il est en train de passer. Il y a pas de maelekezo mbele ya Mungu juu ya vita ambavyo yuko apitia. Alors on vient informer Saül que on a vu David chez Ahimelech. Na kisha wanakuja kumwambia Saul ya kwamba walimuona Daudi kwa Ahimeleki. Il appelle ses hommes. Na naita watu wake. Il les interroge. Na anaanza kuwauliza. Il leur dit mais comment vous m'abandonnez? Anasema sababu gani mnanitubilia? Et puis ce fils d'Isaïe, est-ce qu'il a des terres qu'il va vous donner? Na kesa ule mtoto wa Yese, je iko na mainchi ambazo atawapatia? Qu'est-ce qu'il fait? Anafanya nini? Il fait appeler Ahimelech. Anaitisha Ahimeleki. L'homme de Dieu. Mtu wa Mungu. Il lui dit. Anamwambia. Pourquoi tu as prophétisé sur ce jeune homme là? Sababu gani ulitabiri juu ya ule kijana? Tu sais que ce jeune homme là est contre moi. Unajua kama ule kijana iko ananipiganisha. Et Ahimelech lui dit. Na Ahimeleki anamwambia. Dans ce pays ici. Ndani ya inchi. Il y a pas quelqu'un qui te respecte comme David. Hakuna mtu anayekuheshimu kama Daudi. Il dit non mais bon tu lui as donné des idées qui vont l'aider à me vaincre. Anasema hapana, sume mpatia mawazo ambayo itamsaidia kunishinda. Tu vas mourir. Utakufa. Et il appelle ses hommes. Na naita watu wake. Et aussi le prophète. Na wanaua nabii. Ensuite, baadaye, après qu'il ait tué Ahimelech, kisha kumuua Ahimeleki. Verset 17. Shaili la 17. Le roi dit au coureur qui se tenait près de lui. Na mfalme akawaambia wapiga mbio waliokuwa karibu naye. Tournez-vous. Mgeuke. Mettez à mort les au pluriel, les sacrificateurs de l'Éternel. Na muaue makuhani wa Bwana Mungu. Car ils sont d'accord avec David. Maana wanakubaliana na Daudi. Ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient. Na waliona kwamba alikuwa kimya. Et ils m'ont pas averti. Na hawakuniarifu. Mais il y a toujours dans des milieux comme ça des gens de bonne qualité. Lakini miongoni mwa watu. Regardez la phrase suivante avec moi. Elle dit quoi? Msemo unaofuata inasema. Elle dit on peut lire ça ensemble. Naweza kusoma pamoja. Mais les serviteurs du roi lakini watumishi wa mfalme ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Hawakutaka kuzogeza mkono wao ili wawaue wa kuhani wa Mungu. Alors le roi dit à Doeg. Na sasa mfalme akamwambia Doeg. Est-ce qu'il y a des Doeg ici? Je kuna madoeg hapa? Dit au voisin ne sois pas Doeg. Ambia jirani usikue Doeg. D'ailleurs le nom là n'est pas beau, Doeg. Sinaona ile jina haipendeze hata. Hallelujah. Amen. Doeg. Doeg. Le roi dit à Doeg, mfalme akamwambia Doeg, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Rudia na umpige wa kuhani. Et l'Edomite se tourna et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Na ule mwedomu akageuka na yeye ndiye aliyewaua wa kuhani. Il fit mourir en ce jour. Na kaua kwa un jour. Il fit mourir 85 hommes portant les fautes, c'est-à-dire les sacrificateurs. Akawaua watu 85. Wa sacrificateurs 85. Makuhani 85. Watumishi wa Mungu. Wanaovaa efodi. Ça n'a pas suffi. Haikutosha. Saul frappa encore. Na Saul aka lui-même va. Yeye mwenyewe akaenda. Il frappa du tranchant de l'épée Nod. Akaua kwa upanga Nobu. Nod, Nob. Muji wa Nobu. Ville sacerdotale, c'est-à-dire ville des sacrificateurs. Muji wa kuhani. C'est-à-dire Saül livre à l'interdit la ville des sacrificateurs. Ni kusema Saul anangamiza. Maintenant réfléchissez avec moi. Dieu a dit à Saül, va livrer Amalek, l'ennemi de mon peuple, à l'interdit. Mungu alimwambia Saul wende. Il les a pas livrés à l'interdit, il a pris quelques uns. Na hakuangamiza wote lakini akachukua mmoja wao. Mais ici lui-même prend l'initiative comme roi. Lakini yeye mwenyewe hapa anakamata. C'est moi le roi. Il prend l'initiative. Anakamata uamuzi. Pourquoi tu fais ça? Sababu kali unafanya hivi. Parce que les sacrificateurs. Sababu makuhani. Ont prophétisé favorablement. Walitabiri mambo mazuri. Sur mon ennemi. Juu ya adui yangu. OK. Mais d'où venez-vous? Et toi? Et David. Lakini sasa mnatokea wapi wewe na Daudi? Vous avez été loin avec la même corne d'huile d'onction. Nyinyi wote mmepakwa mafuta na ile ile pembe moja ya mafuta. Samuel t'a oint avec cette même fiole là. Samuel alikupaka mafuta na ile ile pembe. Et puis il a oint David la même fiole. Paka Daudi ile ile pembe. Le même esprit, la même onction. Ile ile roho, ile ile upako. Maintenant, avec ton établissement, lakini pamoja na tu as été établi roi. Ulisimikwa kama mfalme. Tu décides na unaamua d'exterminer les gens qui oignent les rois. Kuangamiza watu ambao wanampaka mafuta mfalme. Pour que toi tu restes avec quelle royauté? Ili sasa wewe ubaki na que tu restes avec quelle onction? Ubaki na upako gani? Avec quelle vie? Ubaki na maisha gani? Quand on est superficiel dans la vie, on va commettre des bêtises impossibles. Il n'a pas tué seulement 85 sacrificateurs. Regardez la suite. Il a tué quoi aussi? Il a tué et les hommes, et les femmes, et les enfants, et les nourrissons. Donc si c'était ici, comme on a vécu là, on ouvre le ventre de quelqu'un, on prend le fœtus, on met dans le pilon, ou on prend le petit, on met en katwanga, Saül, ouin. Il a fait ça. Saulo mfalme ambaye alipakaliwa alifanya vile alipasua angepaswa kupasua tatumbu za wamama na toa wale watoto ambao wako ndani ya tumbo. Bana himaliza muhichinje. He on extermine tout. Kwa nini? Pourquoi? Parce que un petit sababu kuna kijana est parti consulter Dieu. Ambaye ameenda kumuona Mungu. Tous ces gens meurent pour ça. Tout. Mais le Dieu là, c'est ton Dieu, Saül. Quand quelqu'un va voir ce Dieu là, il mérite la mort. Tu es de quelle qualité toi là? On t'a établi roi. Tu es sur le trône d'Israël. Au nom de l'Éternel, tu extermines les serviteurs de l'Éternel. Par ton établissement. Alléluia. Amen. Unafika wapi? Tio. Comment tu te trouves? Unajikuta namna gani? Tu es de bonne qualité? Uko hali nzuri? Tu es serviteur de Dieu? Uko mtumishi wa Mungu? Tu es de bonne qualité? Uko hali nzuri? Tu es un chef de famille? Wewe uko msimamizi? Tu es de bonne qualité? Comment des mamans n'ont pas envoyé leurs filles dans la prostitution? Wamama ngapi wametuma wapinti wao ndani ya ukahaba sababu hakuna pesa tena ndani ya nyumba. Vous avez grandi. Ushakuwa na maziba enda. Vous avez déjà des seins, partez. Tu es maman? Wewe ni mama. Et tu livres ta fille? Na unamtoa binti au démon, kwa mapepo, à la mort, kwa kifo. On t'a établi maman wamekuweka kama mama pour faire ça, ili ufanye mambo kama na haya. Que d'hommes et de femmes aujourd'hui wanaume ngapi na wanawake leo qui ont été établis en quelque chose ambao wamesimikwa ndani ya jambo fulani pour un but kwa ajili ya lengo divin ya Mungu. Mais tu es en train de faire quoi? Nini? Tu es dans quoi? Uko ndani ya tu es où par rapport à ce but-là? Kufuatana na lengo hilo. Certains ont fait l'école du ministère. Pamoja wamefanya shule la huduma. Tu es où par rapport au but de ta formation? Uko wapi kufuatana na lengo ya kufunzwa kwako? Certains sont des responsables de cellules. Pamoja ni wasimamizi wa tu es où par rapport au but du responsable de cellule? Uko wapi kufuatana na lengo la msimamizi wa shirika? Tu es responsable de département. Unakuwa mwongozi wa kikundi. Tu es où par rapport au but? Uko wapi kufuatana département? Na lengo ya ile kikundi chako? Tu es dans quoi? Uko ndani ya nini? Tu es pasteur. Wewe ni mchungaji. Je nous parle. Na wazungumzia. Mnaweza mimi niko na basema, niko na tusema sie. Hapa. Tu es pasteur. Tu es dans quoi? Par rapport au but, le but de Dieu. Le but pour lequel tu es devenu pasteur. Tu es dans quoi? Puisque tu as fait ça, l'Éternel te déclasse. Sababu umefanya hii bwana na kutia pembeni. Oh, pardonne-moi, pardonne-moi. Sasa unaanza unisamee. Quelqu'un doit changer ce soir. Kuna mtu ambaye anapaswa kubadilika. Tu dois changer de camp. Utabadilisha kambi yako. Quitter le camp des superficiels de mauvaise qualité. Utoke kambi ya watu wa hali mbaya. Pour rentrer dans la bonne qualité. Na urudi ndani ya hali nzuri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Niko namzungumzia mtu. Vous êtes fâché contre moi? Mnanikasirikia. Si quelqu'un n'est pas fâché, acclame le Seigneur. Kama kuna mtu ambaye asirika mshangilie Bwana. Je voudrais qu'on se limite ici. Ningependa tumalizie hapa. Et prier un peu. Na tuombe kidogo. Mais c'est Saul ici. Lakini Saulo huyu. Quand il a été choisi. Wakati alichaguliwa. Dieu a parlé, il a dit c'est lui, prenez-le. Il a prévenu. C'est lui. Yeye mumtwae kabisa. Mais à la fin. Lakini kwa mwisho. Il est même allé loin pour aller chez les féticheurs. Alienda mbali akaendea hata wafumu. Quand il était aux abois. Wakati alikuwa kabisa et que Dieu l'a complètement viré. Na Mungu amemtupilia. Il est allé voir une voyante. Akaenda kumuona mama muonaji. Pour qu'on ressuscite Samuel. Ili uende wakamfufue Samueli. Et qu'il lui demande qu'est-ce qu'il doit faire. Na amuulize atafanya nini. La pauvre voyante va être surpris quand Samuel arrive dans la gloire. Na huu muonaji wa mama atashanga wakati Samuel atafika. Les télévisions de la voyante pris feu et puis elle dit mais tu m'as trompé, c'est toi le roi. Naona nani vitu vyake vyote vinaungua na kisha anaanza kumwambia umenidanganya wewe ndio mfalme. Tu vas jusque chez les féticheurs. Unafika mpaka kwa wafumu wachawi. Tu as été établi. Umeshimika. Lui il est venu sur ta tête. Na mafuta ili kuja juu kichwa chako ikamwangika juu. Levons-nous, on va prier. Tusimame tutaomba.